À peine était-il assis dans la chaire du rocher la plus rapprochée de celle de mon père, que j'entendais les pas plus légers d'un troisième visiteur. Celui-là gravissait lentement aussi, mais plus résolument, la montagne. Bientôt, je voyais se dessiner en sombre, sur le ciel bleu, la redingote noire d'un beau jeune homme, qui, sous l'habit d'un ecclésiastique, avait la taille, la stature et la contenance mâle d'un militaire. Un fusil double luisait au soleil sur ses épaules. Un fouet de chasse badinait dans sa main. Un chapeau rond découvrait à demi son front haut et ses cheveux noirs. Ses bottes fortes, armées au talon d'éperon d'argent, trahissaient en lui l'homme de cheval et l'homme de chasse plus que l'homme du sanctuaire. Sa figure avait la franchise virile du soldat. Mais ses yeux pénétrants, sa bouche pensive, ses joues pâlies par l'étude, annonçaient aussi l'homme intellectuel et le cœur sensible jusqu'à la mélancolie. Ces deux chiens courants, aux poils fauves, qui me connaissaient, venaient se coucher auprès de moi sur l'herbe chaude. Je détachais leur collier pour que le tintement de leur grelot ne m'empêchât pas d'entendre la lecture ou la conversation des trois amis.